l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, le parti Jatiya Bangladesh a offert les certificats d'exploit au président Kim Il-sung, au général Kim Jong-il et au maréchal Kim Jong-un. Le service de remise des certificats d'exploit a eu lieu à Dhaka. Y ont pris part les membres de la direction du parti Jatiya Bangladesh, l'ambassadeur coréen au Bangladesh et ses collaborateurs. Les participants ont tout d'abord déposé les bouquets de fleurs devant les tableaux de peinture du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il qui se trouvent ensemble avant de leur rendre hommage. Ensuite, le secrétaire général du parti Jatiya Bangladesh a transmis les certificats à l'ambassadeur coréen.